Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Je vais à la pêche. Tu veux venir avec moi ? Pourquoi pas ? Tu vas pêcher où ? Au petit lac ? Non, je vais remonter le torrent un peu après la cascade. Là-bas, il y a des trous profonds avec de gros poissons. Ça te dit ? D'accord. Je prépare mon matériel et on se retrouve au pont. C'est bon. Prends un chapeau, il va faire chaud. Et de l'eau ou autre chose à boire. Allez, à tout à l'heure.